Chapitre 23e. L'archidiacre est satisfait de l'état des affaires. En revenant avec l'archidiacre de Plumstead à Barchester, M. Harding avait assuré à son gendre que toutes ses suppositions relativement à M. Slope et à Eleanor étaient sans fondement, mais il avait eu de la peine à ébranler la confiance du docteur dans sa propre clairvoyance. Les preuves avaient été si multipliées et si évidentes qu'il refusa d'abord d'ajouter foi aux affirmations positives de M. Harding, constatant le désaveu formel d'Eleanor. Enfin, il céda. Il voulut bien admettre qu'il avait pu se tromper, mais il sembla ne le faire que du bout des lèvres, de façon que si, plus tard, Eleanor apparaissait un beau jour comme Mrs. Slope, il put dire encore « Voyez-vous, je vous l'avais dit, et rappelez-vous ce que vous m'objectiez et ce que je vous répondais. » Rappelez-vous aussi pour l'avenir que j'avais raison en cela, comme dans beaucoup d'autres choses. » Il condescendit même jusqu'à vouloir faire une visite à Eleanor. Il arriva pendant la conversation du père et de la fille. M. Harding avait eu tant à entendre et à dire qu'il avait oublié d'avertir Eleanor de l'honneur qui l'attendait. Et lorsqu'elle entendit la voix de l'archidiacre dans le vestibule, elle n'était en aucune façon préparée à le recevoir. « C'est l'archidiacre, » dit-elle, en bondissant de sa chaise. « Oui, ma chérie, il m'a dit de vous avertir qu'il viendrait vous voir. Mais, à vrai dire, je l'ai oublié. » Malgré les supplications de son père, Eleanor s'enfuit. Elle ne pouvait supporter l'idée, dans ses premières heures de joie, d'avoir à entendre les rétractations, les excuses, les félicitations de l'archidiacre. Aussi, quand on l'introduisit au salon, le docteur n'y trouva-t-il que M. Harding. « Excusez, Eleanor, je vous prie. » dit M. Harding. « Y a-t-il du nouveau ?» demanda l'archidiacre, s'imaginant déjà que M. Slope reparaissait sur l'eau. « Oui, il y a du nouveau. Et peut-être éprouverez-vous quelque surprise ?» L'archidiacre, au ton de son beau-père, comprit que ce n'était toujours pas de M. Slope qu'il allait être question. « Non, répondit-il, rien ne me surprendra plus. Que croyez-vous qu'a fait M. Arabin ?»« M. Arabin, rien relativement à cette fille des Stanhope. J'espère. » « Non, il ne s'agit pas de cette femme-là, » dit M. Harding, se faisant un malin plaisir d'inquiéter son gendre. « Il ne s'agit pas de cette femme-là. Est-il question d'une autre femme ? Parlez donc si vous avez quelque chose à dire. Il n'y a rien que je haïsse tant que tous ces mystères. Il n'y aura pas de mystère pour vous, archidiacre, bien que la chose ne doive pas aller plus loin pour le moment. Eh bien, excepté Susan, bien entendu, il faut que vous me promettiez de ne le dire à personne d'autre. « C'est absurde !» s'écria l'archidiacre, qui s'impatientait d'être ainsi tenu en suspens. « Il ne peut y avoir aucun secret relativement à M. Arabin. » « Celui-ci seulement, que lui et Eleanor sont fiancés. » Il était évident à voir le visage de l'archidiacre qu'il n'en croyait pas un mot. « M. Arabin, c'est impossible. » « En tout cas, Eleanor vient de me le dire. »« C'est impossible, » répéta l'archidiacre. « Je ne vois pas que ce soit impossible. » J'en étais très étonné, mais votre surprise et la mienne ne font pas que ce soit impossible. Elle a dû se tromper. M. Harding lui assura qu'il n'y avait là aucune erreur, qu'il verrait, en retournant à Plumstead, que M. Arabin s'y était rendu pour lui faire expressément cette déclaration, que Miss Thorne était au courant de l'affaire, qu'enfin la chose était aussi sûrement arrêtée que peut l'être un arrangement de ce genre entre un homme et une femme. « Dieu du ciel !» s'écria l'archidiacre, arpentant le salon d'Eleanor. « Dieu du ciel, Dieu du ciel !» Ces exclamations montrèrent à M. Harding que l'archidiacre croyait enfin. La première marquait évidemment un certain dépit, la seconde la surprise. Dans le ton de la troisième, M. Harding s'imagina qu'il sentait percer quelque satisfaction. Et en effet, l'archidiacre ne pouvait manquer d'éprouver du dépit en voyant combien il s'était trompé dans ses conjectures. S'il avait été assez heureux pour suggérer l'idée de ce mariage quand il introduisait M. Arabin dans le pays, sa réputation de jugement, de sagesse, en aurait été rehaussée encore. On l'eût admiré, à l'égal de Salomon. Et pourquoi n'aurait-il pas prévu cette union? Il était vraisemblable que M. Arabin ne voudrait pas vivre seul dans la cure et qu'Eleanor aurait l'idée de se remarier. Or, M. Arabin n'était-il pas homme à la séduire, beaucoup plus que M. Slope? L'archidiacre était bien forcé de s'avouer à lui-même qu'il avait eu la vue courte, et il ne pouvait en prendre son parti sur le champ. Puis, sa surprise était extrême. qu'elle n'avait pas été la sournoiserie de ce couple de tourtereaux. Il avait sermonné Eleanor au sujet de son prétendu attachement à M. Slope au moment même où elle aimait son protégé à lui, M. Arabin. Et il avait fait de ce même M. Arabin le confident de ses craintes au sujet de M. Slope. L'étonnement du docteur n'avait donc rien que de très naturel. Mais il y avait là aussi pour lui matière à satisfaction. D'abord, l'assurance qu'il n'aurait pas M. Slope pour beau-frère était un grand soulagement. Puis M. Arabin était l'homme entre tous qui lui désirait se voir attaché par les liens d'une parenté si intime. Mais ce qui le réjouissait surtout, c'était le coup que ce mariage allait donner à M. Slope. M. Slope avait certainement poursuivi la femme qu'il perdait alors, et selon certains bruits, il pourrait bien perdre aussi sa position dans le palais. Enfin, si M. Harding montrait un peu d'énergie, le plus grand danger de tous, celui de la nomination de M. Slope à la dignité de doyen, serait évité. Vaincu sur toute la ligne, M. Slope disparaîtrait sans doute de Barchester et l'archidiacre pourra respirer de nouveau un air pur. Dieu du ciel, Dieu du ciel! Et le ton de la cinquième exclamation convainquit M. Harding qu'un contentement sans mélange régnait dans le cœur de l'archidiacre. Et alors, lentement, graduellement, habilement, M. Harding développa son plan. Pourquoi M. Arabin ne serait-il pas le nouveau doyen? Lentement, graduellement, et en pesant les raisons qui lui étaient données, l'archidiacre entra dans les vues de son beau-père. Quelle que fût son amitié pour M. Arabin, son admiration pour la science et les talents de son protégé, il n'aurait pas sanctionné une mesure qui dépouillait son beau-père d'un avancement bien mérité, s'il avait été possible de déterminer son beau-père à accepter cet avancement. Mais l'archidiacre avait déjà eu des preuves de l'obstination avec laquelle M. Harding s'attachait à ses propres idées, en opposition aux avis de ses amis. Il savait que rien ne déciderait l'homme doux et timide qu'il avait devant lui à accepter la haute position qui lui était offerte, s'il pensait avoir tort de l'accepter. Alors il se dit et se répéta lui-même « Pourquoi M. Harding ne serait-il pas doyen de Barchester ?» Il convint enfin qu'il partirait pour Londres le lendemain, par le premier train du matin, faisant un petit détour par Oxford. Il pensait que les conseils du docteur Gwynne leur seraient fort utiles. La chose ainsi arrangée, l'archidiacre partit en toute hâte pour aller à Plumstead préparer son voyage. Il faisait très beau, il conduisait lui-même son cabriolet. En montant High Street, il rencontra M. Slope à un détour, et s'il n'avait arrêté court son cheval, il aurait renversé ce gentleman. Ils ne s'étaient point parlé depuis le jour mémorable où ils s'étaient rencontrés dans le cabinet de l'évêque. Ils ne se parlèrent pas dans cette circonstance, mais ils se regardèrent tous deux bien en face, et l'attitude de M. Slope fut aussi impudente, aussi triomphante, aussi pleine de défis que jamais. Si le docteur Grantly n'avait pas su positivement le contraire, il aurait pu croire que son ennemi venait de conquérir le titre de doyen, la femme qu'il avait recherchée, tous les honneurs lucratifs qu'il avait travaillé à obtenir. Dans le fait, il avait tout perdu, et à ce moment même, il venait de recevoir son congé de l'évêque. En sortant de la ville, l'archidiacre passa devant l'entrée qui lui avait été autrefois si connue de l'hospice de Hiram. À la porte était un chariot chargé de meubles d'assez misérable apparence, et auprès, surveillant l'arrivée et le déchargement, était la bonne Mrs. Quiverful. Elle n'avait pas sa toilette des dimanches, ses vêtements n'étaient pas la propreté même, son bonnet et son châle n'étaient pas gracieusement posés, sa personne enfin n'avait rien du charme féminin. Elle s'occupait activement à mettre tout en ordre dans sa nouvelle habitation et s'était aventurée jusqu'à la porte, pensant ne voir que le garçon de ferme qui transportait son mobilier. L'archidiacre arriva si vite qu'elle ne put se dérober à sa vue. Il n'y avait eu que peu de relations entre la famille du docteur Grantly et elle. L'archidiacre, naturellement, connaissait tous les prêtres de l'archidiaconé, on peut même dire du diocèse, et avait quelques relations, plus ou moins fréquentes, avec leurs femmes et leurs familles. Il avait eu plusieurs fois à traiter des affaires avec M. Quiverful, mais il avait fort peu vu Mrs. Quiverful. Mais en ce moment, il était de trop bonne humeur pour affecter de ne pas la voir. Les Quiverful s'étaient attendus à une hostilité déclarée de la part du docteur Grantly. Il savait que l'archidiacre avait ardemment désiré le retour de M. Harding dans son ancienne habitation, et ils ignoraient qu'on eût offert à celui-ci une résidence plus confortable encore dans la maison du doyen. Mrs. Quiverful fut donc un peu surprise et très heureuse du ton gracieux qu'eut l'archidiacre en lui parlant. « Comment allez-vous, Mrs. Quiverful ? Comment allez-vous » dit-il en lui tendant la main. « Je suis charmé de vous voir occuper un travail qui doit vous être si agréable. » Mrs. Quiverful le remercia, lui serra la main et le regarda avec quelque défiance. Elle se demandait si ses félicitations et cette amabilité n'étaient pas un peu ironiques. « Dites de ma part à M. Quiverful, je vous prie, » continua-t-il, « que je suis enchanté de sa nomination. C'est une bonne place, Mrs. Quiverful, une maison confortable dans laquelle je suis heureux de vous voir. Adieu, adieu !» Et il continua sa route, laissant la dame toute ébaubie de tant d'amabilité. Tout allait au gré des vœux de l'archidiacre. Il pouvait bien se montrer gracieux pour Mrs. Quiverful. Du haut de son cabriolet, il laissait tomber sur le monde un regard souriant et pardonnait à chacun ses iniquités, sauf à Mrs. Proudie et à M. Slope. S'il avait rencontré l'évêque, il lui aurait peut-être donné sur l'épaule une petite tape de bonne amitié. Il eut l'idée de rentrer chez lui en passant par Saint-Évold. Ce sera un détour de 3 000, mais il ne pouvait se résoudre à quitter Plumstead pour le voyage projeté sans aller dire quelques paroles cordiales à M. Arabin. Quand il arriva à la cure, celui-ci n'était pas rentré encore, mais il conclut, de ce qu'il venait d'apprendre, qu'il le rencontrerait sur la route entre leurs deux maisons. À mi-chemin, en effet, il vit venir M. Arabin à cheval. « Très bien, très bien !» s'écria l'archidiacre d'une voix retentissante et joyeuse. « Très bien, très bien ! Nous n'avons donc plus rien à craindre de M. Slope. » « Mrs. Grantly vient de me dire que la position de doyen a été offerte à M. Harding. M. Slope a perdu plus que la position de doyen, à ce qu'il paraît. » Et l'archidiacre eut un rire malicieux. « Allons, Arabin, vous avez su bien garder votre secret. Je sais tout, maintenant. »« Je n'avais pas de secret, archidiacre, » répondit M. Arabin avec un sourire tranquille. « C'est seulement hier que j'ai connu mon bonheur, et je suis allé aujourd'hui à Plumstead pour vous demander votre approbation. » « D'après ce que m'a dit Mrs. Grantly, j'ai tout lieu d'espérer que vous me la donnerez. »« De grand cœur, de grand cœur !» répondit cordialement l'archidiacre, donnant à M. Arabin une chaude poignée de main. « C'est justement ce que j'aurais souhaité. C'est une excellente jeune femme, qui ne vous arrivera pas les mains vides. Je suis convaincu qu'elle sera la meilleure des épouses. Si elle remplit à votre égard son devoir, comme sa sœur le remplit au mien, vous serez un homme heureux. C'est tout ce que je puis vous dire. » Et l'on put observer, tandis que le docteur finissait de parler, une larme dans chacun de ses yeux. M. Arabin rendit avec chaleur à l'archidiacre sa poignée de main, mais parla peu. Son cœur était trop plein. Il ne pouvait exprimer la reconnaissance qu'il éprouvait. L'archidiacre comprit ce qui se passait en lui, aussi bien que s'il avait parlé pendant une heure. « Et c'est moi, Arabin, qui vous marierai. Nous ferons venir Eleanor à Plumstead. C'est de là qu'elle ira à l'hôtel. Susan fera bien les choses. Je dois aller demain à Londres pour une affaire particulière. Harding vient avec moi. Mais je serai de retour avant que votre fiancée ait sa toilette de mariée. » Et ils se séparèrent. En continuant sa route, l'archidiacre ne pensa qu'au fait qui accompagnerait le mariage de sa belle-sœur. Il était fermement résolu à réparer, par la magnificence qu'il comptait déployer, l'injustice dont il avait été coupable envers elle. Il voulait lui montrer quelle différence il faisait entre un Slope et un Arabin. Il prit encore une autre décision. Si l'affaire du décanat ne s'arrangeait pas en faveur de M. Arabin, il ferait refaire la façade de la cure de Saint-Évold et percer dans la salle à manger une porte-fenêtre. « Eh bien, nous nous étions trompés, Sue, » dit-il à sa femme, à laquelle il donna un baiser en l'abordant. Il n'appelait Mrs. Grantly de cette abréviation familière que 2 ou 3 fois par an, dans des circonstances exceptionnelles. « Eleanor a eu plus de bon sens que nous ne lui en croyions, » dit Mrs. Grantly. Et la soirée se passa gaiement à Plumstead, et Mrs. Grantly promit à son mari d'ouvrir son cœur et d'y donner une place à M. Arabin, qu'elle en avait exclu jusque-là.